dans mon village. Un cœur fragile et doux, ce cœur dans le visage rendrait le diable jaloux. J'avais sa préférence, pourtant je suis parti. Hélas, lorsque j'y pense, j'ai des regrets infinis. Si vous passez par là, ne lui dites pas combien mon cœur bat pour elle. Elle en aurait trop de joie. Dites-lui simplement que de temps en temps, une âme rêvant l'appelle. Elle en aurait du tourment. Dites-lui que celui qui l'aime ne vit que d'impossible espoir, que ses pensées sont des poèmes qui chantent du matin au soir. Dites-lui que la vie, le jour et la nuit, n'est que nostalgie sans elle, et que j'attends son retour. Mon Dieu, qu'elle était belle. Pourquoi l'ai-je quittée? Depuis, tout me rappelle. Sans souvenir enchanté, j'avais sa préférence. Pourtant je suis parti. Hélas, lorsque j'y pense, j'ai des regrets infinis. Si vous passez par là, ne lui dites pas combien mon cœur bat pour elle. Elle en aurait trop de joie. Dites-lui simplement que de temps en temps, une arme rêvant l'appelle. Elle en aurait du tourment. Dites-lui que celui qui l'aime ne vit que d'impossible espoir, que ses pensées sont des poèmes qui chantent du matin au soir. Dites-lui que la vie, le jour et la nuit, n'est que nostalgie sans elle, et que